ma classe, mon harem. Oh, oh, oh, oh, malgré tout, je t'aime. Trois années après tout ça, je n'ai jamais autant aimé les filles. Mes chansons sont contradictoires. Des années après, les sentiments s'inversent. Oh, oh, oh, oh, ma classe, mon harem. Oh, oh, oh, oh, malgré tout, je t'aime. Un cœur qui bat pour des faux ongles. Un cœur qui bat pour des rajouts. Mon pauvre cœur amoureux. Mais quand vous êtes là, je suis heureux. Oh, oh, oh, oh, ma classe, mon harem. Oh, oh, oh, oh, malgré tout, je t'aime.